Raymond Poirier est avec nous en studio puisqu'il est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, l'ITIS. Donc, on va parler technologie d'information. Bonjour Tania. Salut Raymond, ça va? Mais ça va très bien, ça va très bien. Surtout qu'on arrive avec des constats liés à l'environnement cette semaine, en fait. Et on essaie de lier différents thèmes qu'on exploite au fil des chroniques, notamment la question des villes intelligentes, avec la question des technologies et du développement durable. C'est intrinsèquement associé. On en a déjà parlé, en fait. On sait que l'intégration de systèmes numériques à l'intérieur des villes, ça peut avoir une influence positive sur l'environnement. Et pour la chronique de cette semaine, c'est qu'en fait, je suis tombé sur un rapport du Commissariat général au développement durable de la République française et qui, eux, font essentiellement ce constat-là et l'étaient avec quelques exemples que je trouve extrêmement intéressants, donc liés justement à la manière dont certaines solutions et certaines approches ont été intégrées là-bas en Europe. Et par développement durable, on le pense aussi au sens très large, donc oui, le côté environnemental, mais aussi le côté social et citoyen, donc une cité qui est un environnement en santé, c'est aussi un environnement qui est propice à la participation citoyenne et à la démocratie. Citoyenne. Donc, cela étant dit, peut-être quelques préceptes au départ. Notamment, on parle en fait des villes intelligentes et des systèmes numériques qui visent à répondre à un objectif de sobriété dans l'utilisation des ressources. Donc, l'idée avec ça, c'est évidemment d'amener des économies d'eau, des économies de consommation d'électricité, de consommation d'énergie au sens large, de vieillissement des réseaux, aqueducs, routes, etc., etc. C'est aussi l'idée pour eux d'amener une approche systémique de la ville. Donc, de dépasser un peu les approches sectorielles qui sont que trop présentes actuellement et pouvoir essayer de lier justement la gestion des transports, de l'énergie, des eaux, des bâtiments et de mettre l'accent sur l'interaction qu'il y a entre les différentes composantes de nos villes. Parallèlement, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut mettre l'usager au cœur de ces dispositifs-là. Donc, oui, le faire pour l'administration publique, oui, le faire pour les économies qui s'engendrent, mais aussi rendre tout ça plus palpable et plus facile et plus accessible aux citoyens, citoyennes, et également amener peut-être un peu plus de transparence dans les différents modes de gestion. Donc, ça, c'est les grands principes qui sont cités par le Commissariat général au développement durable, et les auditeurs auditrices pourront faire le parallèle avec d'autres éléments dans ce style-là qu'on a dit au fil des chroniques. Oui, parce qu'on en parle souvent de faire pour et par le citoyen aussi, mais de rentabiliser. Moi, je sens dans tout ça qu'il y a vraiment une idée de rentabiliser tout, finalement, juste tout. Exactement. De rentabiliser les systèmes, et notamment quelque chose qui jase beaucoup, si les gens se mettent à faire fouiller sur le web, ils vont tomber sur le concept des smart grids, ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Donc, en France, il y a plusieurs projets, en Europe aussi, on en voit plusieurs. C'est vraiment une perspective d'optimisation de la gestion de l'énergie par une meilleure régulation de l'offre et de la demande, et l'intégration, grosso modo, là, sur le réseau de distribution de la production locale d'énergie renouvelable. Donc, de pouvoir essayer, plutôt que d'avoir une série de réseaux parallèles, mais d'avoir un réseau et une gestion intégrée et globale des flux d'énergie, donc des entrants et des extrants. Et l'idée est d'intégrer aussi ces éléments-là à l'intérieur de mobilier urbain intelligent, notamment en matière de voitures électriques, par exemple. Quand elle viendra, il faudra avoir des bornes rechargeables et d'autres types de services de ce type-là, l'éclairage public, des infrastructures urbaines en général. Et eux donnent l'exemple, en fait, de la ville de ici, les Moulineaux, c'est en banlieue de Paris, qui ont commencé justement à faire ce qu'ils appellent le EC Grid, installé progressivement dans différents quartiers, et eux cherchent à mettre en place des nouveaux outils pour optimiser le pilotage de la consommation énergétique à l'échelle du quartier. Donc, pour gérer, en fait, au bout du compte, les infrastructures d'éclairage public, le rechargement des véhicules et le reste. Et donc, d'essayer de voir de quelle manière sont utilisés les espaces locatifs, les espaces commerciaux, les espaces d'habitation, de résidentiel, et de pouvoir jauger les flux d'énergie qui sont nécessaires, d'éviter les gaspillages, d'appeler trop d'électricité dans un secteur, et aussi de pouvoir faire des propositions localisées en matière d'utilisation d'électricité par les citoyens, citoyennes qui habitent là, dans les bureaux et le reste. Donc ici, on le fait par exemple au niveau des froides températures. On dit, consommer peut-être un peu moins, fait très froid, ça coûte plus cher à produire. Ben, eux le font, mais même en fonction, tout simplement, des usages à l'intérieur d'un réseau intégré. Donc, on peut le faire avec l'énergie, mais aussi avec l'eau. Exactement. C'est un peu le même principe. Et ça, l'exemple qui est cité dans le rapport, c'est celui de Malte, qui, eux, sont en train de bâtir bâtir un réseau intelligent qui intègre la distribution de l'eau et de l'électricité. Donc, c'est un système qui est capable d'identifier les fuites d'eau, d'identifier les pertes d'énergie et de permettre, évidemment, aux gestionnaires publics de mieux planifier les investissements dans le réseau et d'améliorer les performances. Donc, essentiellement, ils ont mis des compteurs, il y en a à peu près 250 000, qui vont permettre aux usagers de mieux contrôler leur consommation, de bénéficier d'une tarification variable. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait avec les smart grids. Et à ça, on rajoute donc la possibilité de voir s'il y a des failles dans le réseau, de pouvoir le voir presque en temps réel et donc effectivement de pouvoir aller réparer exactement là où le problème se trouve et de pas avoir non plus à creuser, à réfléchir, à farfouiller, à enquêter trop longuement peut-être en amont justement des réparations qui seraient nécessaires. Donc c'est un exemple qui me semble aussi assez stimulant, surtout dans le contexte où je le lance comme ça, mais il y a des systèmes, exemple à l'Université Laval, et des chercheurs qui sont en train de travailler sur des représentations 3D des circuits souterrains d'une ville. Donc, si on a des représentations de ce type-là, avec des systèmes comme celui qui est établi à Malte, faites le croisement, on en arrive avec une gestion qui est énormément facilitée des flux d'aqueduc, par exemple. Oui, parce qu'on peut voir l'intérieur à l'extérieur. Exactement. C'est puis quand même en 3D, avec les imperfections et le reste, il y a une photographie qui est faite. Et en même temps, ben, ça nous permet justement d'éviter de creuser puis de farfouiller trop longuement. Oui. Donc, il y a une question d'efficacité en plus de la question d'économie d'énergie. Et tout le monde en bénéficie, ça c'est certain. Tu parlais d'eau et d'électricité, donc j'imagine que le but, c'est de pouvoir gérer un peu tout en même temps. Exactement. Comme on le disait au départ, donc d'éviter une gestion en silo dans l'optique où tous les systèmes dans une ville, ils sont interreliés. C'est soit en termes de ressources, soit en termes de réseau, soit en termes de circuits, soit en termes de gestion. Et donc, si y a manière donc de créer une espèce de super portail au bout du compte de gestion des villes grâce à la ville intelligente, ben ça peut être un débouché intéressant. Et notamment du côté de la République française, dans le rapport dont je fais état aujourd'hui, ce qu'on mentionne, c'est l'exemple de Lyon, qui eux ont créé un projet qui s'appelle Optimode Lyon pour favoriser la mobilité quotidienne. Donc, ce qu'on sait, Lyon, bref portrait, donc il y a quand même beaucoup d'infrastructures de transport, des services, etc. Et présentement, c'est des données qui sont éclatées entre les différentes organisations qui les gèrent. Exemple, au niveau des transports, il y a des compagnies de taxi, compagnies d'autobus, compagnies de métro, etc. Et donc, l'objectif du projet, c'est d'essayer de créer un navigateur unique qui gérerait l'ensemble des flux de transport. Donc, déjà, d'éviter d'avoir plusieurs modes dans une seule spécialité. Donc, ils ont essayé de regrouper l'ensemble des partenaires qui gèrent des transports, plus des partenaires, évidemment, de la sphère privée et publique au niveau de l'informatique. Et l'objectif est de proposer d'ici 2014 une prévision de trafic à une heure, donc pour optimiser le système de gestion des feux de circulation. Donc, de savoir, ben, OK, les flux de transport indiquent que ça va être comme ça, donc on prévoit que dans une heure, ça va être de telle façon, mais optimisons ça pour avoir un minimum d'attente pour tout le monde aux lumières. Également, ce qu'on dit, c'est que grâce à la téléphonie mobile, il pourrait avoir des calculateurs multimodales pour, quand on se demande, c'est qu'est-ce qui va être plus rapide pour aller d'un point A à un point B, ben que cette application-là puisse, en fonction des évaluations qui sont faites à une heure près, puisse dire, ben OK, pour te déplacer vers le centre-ville aujourd'hui, on s'attend à tel type de trafic, tu serais mieux de prendre l'autobus, ça va te prendre 20 minutes, si tu y vas à pied, ça te prend 40 minutes, si tu prends... Donc d'avoir vraiment une évaluation claire, ou dire, ben OK, prends le taxi, prends une auto, change avec l'autobus-là, bref, de pouvoir calculer le trajet optimal. Et ça prendra en considération, par exemple, il y a eu un accident à tel endroit, donc là, il y a des retards et puis tout. Oui, parce que ça va intégrer les alertes en temps réel. Donc, c'est génial. Je veux dire, c'est fort. Par ailleurs, le projet comprend aussi un volet sur le transport des marchandises qui prévoit des outils d'optimisation des tournées pour les opérateurs de fret urbain. Donc, vraiment, une approche intégrée. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Il faut dire, évidemment, que d'autres manières d'intégrer les transports et de les bonifier. J'ai déjà parlé il y a quelques... Je pense que c'est cet été, un exemple à Nice où, justement, on avait créé des systèmes intelligents de stationnement pour savoir où les stationnements étaient libres, étaient disponibles. Donc ça, c'est des exemples de mobilier urbain interactif qui peuvent être intégrés ou être bonifiés par justement l'intégration de systèmes intermodaux comme celui-là. Et évidemment, les données ouvertes, ça donne toujours un coup de pouce à rendre tout ça plus facile à développer, finalement. Oui, plus facile à développer parce qu'on peut mettre à profit les citoyens, citoyennes. Dans le fond, les données ouvertes, petit rappel, ben, c'est la ville, c'est les administrations publiques qui rendent disponibles des sets de données. Les gens peuvent les utiliser à l'intérieur d'applications, à l'intérieur de logiciels, de systèmes. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à profit la créativité d'un peu tout le monde et parallèlement, ben, de pouvoir aussi peut-être profiter de l'expertise aussi d'un peu tout le monde sur des éléments que les gens de la ville ont peut-être pas pensé ou qui ont peut-être pas le temps d'intégrer. Et là-dedans, on nous donne l'exemple de Rennes. C'est assez intéressant, notamment grâce à ça, ils ont fait, eux, un concours. Et ça s'est fait aussi ici, remarquez, c'est pas unique à la France. À Québec, ça s'est fait. À Gatineau, Ottawa, ça s'est fait aussi. Vancouver, je crois également, le fait. Donc, des concours de développement d'applications et de services à partir de ces données-là. Eux, entre autres, ça a donné une application qui s'appelle andymap.org, qui, elle, concerne un calcul d'itinéraire pour les personnes à mobilité réduite. Donc, à partir de données libérées par la ville sur les trottoirs surbaissés, mixées avec d'autres données sur l'emplacement des passages piétons, les développeurs ont pu proposer une application qui indique aux personnes en fauteuil les itinéraires à suivre pour être sûr de rencontrer des trottoirs surbaissés ou des ascenseurs en état de marche ou des feux sonores, des choses comme ça. Donc, de s'assurer d'avoir un circuit qui est disponible. Donc, c'est quelques exemples, évidemment, qui sont rattachés à la République française en lien avec, je le rappelle, ce rapport du Commissariat général au développement durable qui dit, ben, regardez, les villes intelligentes, oui, ça devrait être une priorité pour le développement durable. C'est nécessairement un des moyens intéressants à explorer présentement. Raymond, je dois t'avouer quelque chose, tu me déprimes. Parce que à chaque fois que tu nous parles de ce genre de solution qui sauverait tellement de temps et argent et qui serait économique, qui serait bon pour l'environnement, je me dis, mais pourquoi on l'a pas maintenant? Pourquoi? Alors, c'est pour ça que tu me déprimes. Mais bon, c'est au moins plein d'espoir, tout ça. Et Raymond, avec l'ITIS, il y a toujours des conférences qui s'en viennent. Il y en a une, d'ailleurs, qui sera là début octobre. Exactement, le 4 octobre prochain. Et j'ai presque envie de faire un point avec la ville intelligente dont on vient de parler parce que cette conférence-là va parler de la manière dont on peut intégrer la mise en valeur et la diffusion du patrimoine grâce aux nouvelles technologies. Donc, des applications iPhone, iPad en lien avec le patrimoine matériel, immatériel, des visites virtuelles, des vidéos à 360 degrés. En fait, entre autres, il y a un exemple qui est assez intéressant de possibilités qu'on peut faire. Ils ont été filmés, c'est la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Ils ont été filmés notamment le Red Bull Crash Test et ils ont créé, avec les technologies de caméras de style Google, donc des caméras à 360 degrés, eux autres, ils ont fait un vidéo à 360 degrés. Tu peux circuler à l'intérieur du vidéo. Donc, c'est intéressant. C'est des exemples comme ça qu'ils vont nous présenter. Ça va être le 4 octobre, c'est à la bibliothèque Gabriel-Leroy à 19h et c'est gratuit. Donc ça s'appelle Découvrir le patrimoine grâce aux nouvelles technologies. Donc si les gens qui nous écoutent ont envie de savoir un peu ce qui se réfléchit présentement en matière de patrimoine et en matière de TI, eh bien ça va être l'occasion vraiment de faire une plongée dans cet univers-là et parallèlement, évidemment, parce que les exemples vont être adaptés à Québec et à l'Amérique française, bien aussi de découvrir des anecdotes et des éléments en lien avec notre patrimoine. Donc le 4 octobre, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Et pour plus d'informations, itis.ulaval.ca. On retrouve également les chroniques qu'on fait ici dans Change de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.